victoire avant la fin. Avant la fin. Mais c'est bien après l'apocalypse que nous parlons. Rien n'a survécu, du moins ce que signifie l'expression. Ce qu'ils étaient, ce qu'ils en pensaient. Ce qu'ils ont dit, tout est fini. La vie se perd dans la mer. Les autres s'enfouissent dans la terre. Certains s'envolent en poussière dans les airs. Adieu papy, adieu mamie. Et la misère, vous avez vu les changements, les évolutions, la bombe nucléaire, ou éphémère qu'on ne peut que quitter la terre et la terre.